Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et bonjour à tous qui nous écoutez sur Radioactive, c'est l'heure du mag. Et aujourd'hui dans ce mag, on va parler emploi, mais d'une manière assez particulière. On oublie la chemise, la cravate autour d'une table. On va parler rugby, anonymat, esprit d'équipe et recrutement autrement. Le 10 mars aura lieu à Lussot-sur-Loire un événement organisé par France Travail, un événement un peu particulier qui s'appelle le Stade vers l'emploi, en partenariat avec le club de rugby de l'Ovale de Loire. Alors, le principe, eh bien, le matin, entreprise et candidat se rencontrent sans savoir qui est qui. Et puis, l'après-midi, eh bien, on enlève l'anonymat et place aux entretiens de recrutement. Pour nous expliquer ce concept innovant, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Morgane Poilera, conseillère à France Travail. Bonjour Morgane. Bonjour Marlène. Alors Morgane, le stade vers l'emploi, c'est quelque chose qui intrigue évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient un petit peu cette idée de recruter à travers le sport? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire connaissance de manière innovante. On est sur un événement sportif qui favorise la rencontre entre les candidats et les entreprises qui recrutent. Et alors pourquoi le rugby et pourquoi l'Ovale de Loire? Parce que c'est un club local. On avait fait des éditions précédentes sur le badminton. Et là, on s'est dit, allez, on va aller faire un petit peu de rugby à Lussot. Sans enfiler les crampons, mais on va y aller. Oui, en mode cool. En mode cool. En quoi l'anonymat, ça change vraiment la donne dans un processus de recrutement? Ça permet de faciliter les rencontres, les échanges entre les candidats et les employeurs. Hors antenne, tu me disais qu'on casse complètement les barrières, en fait. Exactement. Mmh. Et alors concrètement, ça va se passer comment? Le rendez-vous est à 9h, c'est ça? C'est ça, le rendez-vous est à 9h. On débute par un petit pot d'accueil, déjà. Et ensuite, on va avoir à partir de 10h l'échauffement, tout ce qui va être activité sportive, donc autour du rugby, tous les ateliers. Et à midi, on va déjeuner tous ensemble. Donc tout ça sous couvert d'anonymat. Mmh. Donc j'entends par là, on ne sait pas qui est qui, entre candidat et entreprise. Et l'après-midi, révélation des entreprises et rencontre un petit peu plus formelle entre les candidats et les employeurs. Et les candidats pourront du coup postuler sur les offres d'emploi qui seront proposées. Des candidats qui doivent impérativement être sportifs et connaître les règles du rugby, tout comme les employeurs ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Il faut vraiment que ce soit accessible à tous, sportifs ou non sportifs. Voilà, le but c'est vraiment de mettre personne en difficulté. Alors quand on parle recrutement, bien souvent on parle de savoir-être. Qu'est-ce que les entreprises elles vont pouvoir observer dans ce type d'activité lors de ce stade vers l'emploi? Là, on va vraiment être tourné du coup sur tout ce qui va être esprit d'équipe, l'entraide, la solidarité. C'est vraiment ça ce qu'elles vont pouvoir regarder à travers ces ateliers. Alors, il y a une vingtaine d'entreprises qui vont être présentes, avec pas mal de secteurs qui vont être représentés. Peut-être qu'on peut en parler juste après une petite pause en musique. On peut faire pour ça. Pour laisser le suspense à nos auditeurs qui sont pendus à tes mots, Morgane. Donc on va écouter Safe Tonight, c'est Eagle Eyes Cherry. Et c'est un titre que tu as choisi, que tu aimes bien. Exactement. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin. C'est parti. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Save Tonight, Eagle Eye Cherry sur Radioactive, de retour dans le mag avec aujourd'hui Morgane Poilerat. Morgane qui est conseillère à France Travail et qui vient nous parler sport. Elle vient nous parler rugby aujourd'hui avec un événement qui aura lieu ce 10 mars à Lussot-sur-Loire. C'est le stade vers l'emploi. Alors le principe, elle nous l'a expliqué hein, juste en début d'émission. Les candidats et les employeurs vont jouer ensemble autour de cette activité sportive qu'est le rugby, sans savoir qui est qui. Et l'après-midi, on bat les masques. Alors justement, une vingtaine d'entreprises seront présentes. Est-ce que tu peux nous parler des secteurs qui vont être représentés? Oui, tout à fait. On aura l'hôtellerie-restauration, on aura également du tourisme, du commerce, du transport logistique, santé, services à la personne, services publics, des entreprises de travail temporaire, tout ce qui est défense. Également, on aura un centre de formation qui sera là pour présenter de l'alternance. Ah, chouette. Et qui est rattaché du coup à certaines entreprises et lié à eux, donc structure d'insertion par l'activité économique. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire, si j'entends bien, que ça s'adresse à tous les profils finalement, c'est parce qu'on imagine tout de suite des jeunes, mais pas forcément. Pas du tout, oui. C'est vraiment tout profil, tout candidat, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de secteur d'activité, voilà, faut y aller. Pour tout le monde, oui. Est-ce que les entreprises de toi, moi, jouent vraiment le jeu parce que toi, tu es conseillère pro, hein, donc oui. Toi, tu es directement en lien avec justement les employeurs. Quand tu les appelles en disant « on aimerait bien que vous veniez jouer au rugby avec des candidats sous couvert de l'anonymat », est-ce que cette démarche, elle est bien accueillie ? Complètement. C'est vrai. On a la chance d'avoir des entreprises qui ont déjà joué le jeu les deux premières années et qui reviennent. Donc celles-ci, elles sont plutôt favorables, partantes tout de suite. Et des nouvelles entreprises, évidemment. Mmh. Et quand on leur présente le concept, elles sont plutôt ouvertes. Oui, oui, elles sont vraiment ouvertes et s'imaginer recruter autrement, elles trouvent ça plutôt intéressant. Il y a quelque chose qu'on a remarqué quand même dans cette communication que vous avez fait à toute l'équipe, hein, j'entends, sur le stade vers l'emploi, c'est qu'il n'y a pas de lieu qui a été communiqué publiquement. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des ateliers préparatoires qui sont prévus mercredi 4 et vendredi 6 en amont de l'événement pour préparer les candidats à l'événement. Voilà, ça demande une préparation, donc lors de ces ateliers préparatoires, qui sont donc obligatoires, le lieu sera révélé. D'accord, oui, ce qui évitera aux gens de se présenter sans s'être éventuellement inscrit au préalable. Voilà, c'est ça exactement. Alors justement, comment on s'inscrit ? On s'inscrit sur Mes événements emploi. Ok, tout simplement. Donc, je tape ça sur mon moteur de recherche. Exactement. D'accord. Mes événements emploi, ou après, faire un petit mail au conseiller en disant j'aimerais participer au stade vers l'emploi. C'est tout à fait possible aussi. C'est pas la première fois que c'est mis en place, cet événement. Il y en a déjà eu au préalable. Est-ce que tu as des retours de cette expérience ou anecdotes à nous partager éventuellement ? Oui, alors on a eu donc deux sessions de badminton. On avait fait à Château Renaud il y a 2 ans et à Amboise l'année dernière. Oui, on a des petites anecdotes. Par exemple, des candidats qui ont postulé sur des entreprises sur lesquelles ils ne se seraient jamais vus postuler, mais ils étaient en équipe avec un employeur avec qui le feeling est très bien passé. Et ils ont fini par postuler derrière. C'est un peu le patron incognito made in Pôle emploi. Ok. Et alors, selon toi, qu'est-ce que ça change justement humainement pour un candidat de commencer par jouer plutôt que de se présenter en arrivant, je disais un petit peu en plaisantant en intro, mais avec sa chemise et sa petite cravate, mais là on est en tenue de sport, en basket, et ça change quoi finalement ? Ça va permettre de faciliter la rencontre entre employeur et candidat et de casser les codes un petit peu, ce qui va permettre de lever les barrières qu'il pourrait y avoir habituellement. Moins de stress ça, peut-être. Complètement. On est hors contexte d'un entretien d'embauche. Oui, on est hors contexte. Le cadre est beaucoup plus détendu. Très bien, super. Donc pour s'inscrire, c'est Mes événements emploi, tout simplement sur un moteur de recherche sur Internet. Exactement. Ça va vous guider sur les différentes dates puisqu'il y en a deux. Ateliers préparatoires qui sont le 4 et le 6. Oui, sur la journée. Ouais. Mercredi, on sera le 4. Mmh. Est-ce qu'il est encore temps pour le 6? Oui, tout à fait. Il est temps jusqu'au 6 matin. Si vous vous inscrivez pour l'après-midi, par exemple, il n'y a pas de souci. Super. Eh ben, merci beaucoup, Morgane. Merci, Marlène. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier, peut-être? Oui, j'aimerais... Je m'en doutais. J'aimerais remercier les partenaires qui se joignent à nous pour l'organisation de cet événement. Cap Emploi, entre autres, la mission locale, les entreprises s'engagent et bien évidemment le club de rugby L'Oval de Loire de Lusso. Eh ben super, donc vous l'aurez compris, c'est un recrutement qui pourra se faire en short et en basket, où vous pourrez apprendre à coopérer avant de parler de CV. Donc si vous êtes intéressé, Mes événements emploi sur le moteur de recherche internet et le rendez-vous le 10 mars à Lusso-sur-Loire. Est-ce qu'on peut venir en tant que spectateur? Oh, tu peux venir si tu veux, bien oui. sûr. Oui, super, parfait, je serai là. Alors. Les inscriptions se font donc en ligne, alors attention parce qu'il y a des ateliers préparatoires, on l'a rappelé, hein, donc n'hésitez pas à très très vite prendre les renseignements. Eh bien encore merci Morgane. Merci à toi Marlène. Au plaisir. Et bon courage pour cet événement qui va bousculer les codes, comme tu l'as dit plusieurs fois à l'occasion de cette émission. Merci. C'est la fin de ce mag, on se retrouve dès demain 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.